sont venus les musiciens, jonglant avec tous leurs refrains. Ils ont pris son cœur par la main, les musiciens. Elle s'est retrouvée soudain dans le pays des serpentins, au carnaval des tambourins, des musiciens. Et parmi eux, il y en avait un qui était plus beau que tous ses copains. C'était le plus beau, elle s'en souvient, des musiciens. De quoi jouait-il? Je n'en sais rien. Peut-être jouait-il de rien. C'est parfois un peu magicien, les musiciens. Il lui a enchanté le cœur. Il a joué de son bonheur sur l'air que prenait en majeur, les musiciens. Et leur amour chantait en chœur au rythme des battements de cœur. Ils n'ont pas vu passer les heures jusqu'au matin. À l'aube des premières lueurs, quand le soleil reprend des couleurs, avant de partir pour ailleurs, un peu plus loin, il lui a dit, faut pas que tu pleures, je serai là demain à la même heure. C'est parfois des sacrés menteurs, les musiciens. Et quand ils ont quitté sa rue, elle était seule, ni moins ni plus, comme s'il n'était jamais venu, les musiciens. Avec eux, tout a disparu, dire qu'elle y a tellement cru, a-t-elle rêvé, je ne le sais plus, elle n'en sait rien. C'était une histoire sans plus, des notes et des mots par-dessus, et ce qui est perdu, nul n'y peut rien. Pourtant ce soir j'ai entendu, quelque part au coin de sa rue, quelques mesures du début d'un de leurs refrains. Mais ils ne l'ont pas reconnu, les musiciens.